Ondivago è un programma ideato e condotto da Max Ponte, rubrica francese a cura di Anna Raffaella Farao. Alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. Bentornati ad Ondivago. La puntata odierna è in lingua francese ed è consacrata allo champagne, per cui gli intenditori all'ascolto avranno bollicine per i loro calici. Al microfono Anna Raffaella Farao, che ci condurrà ancora una volta oltre Alpe. Bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, je vous convie dans le salon privé d'Ondivago. Sortez vos coupes de cristal, asseyez-vous confortablement et trinquez avec moi. Trinquez à quoi, vous demandez-vous? Eh bien, ce qui vous passe par la tête, ou tout simplement pour le plaisir. Si je vous dis pétillant, fameux, bulle, mousseux, à quoi pensez-vous? N'avez-vous pas compris? Eh bien, je vous invite à déguster une coupe de ce breuvage exceptionnel, le champagne. Avant de poursuivre, je me dois de vous soumettre à notre rite, l'énoncé de notre devinette. Mon premier est la discipline des nombres et figures géométriques en abrégé. Mon second signifie détériorer un vêtement au présent de l'indicatif troisième personne du singulier. Mon troisième est le brunissement de la peau par l'air ou le soleil. Mon quatrième est la 13e lettre de l'alphabet et mon tout est un patriarche biblique. Le champagne, vin pétillant célèbre dans le monde entier, tire son nom de la Champagne, une région nord-est de la France. Cette ancienne province produit également des vins rouges ou rosés, mais la majeure partie de la production consiste en vins blancs effervescents, appelés tout simplement champagne. Ces derniers sont produits essentiellement de chardonnay, de pinot noir et de meunier. Mais quatre autres cépages, tels que l'arbane, le pinot blanc, le petit mélier et le pinot gris, sont autorisés dans l'élaboration du champagne. Pour mieux découvrir ce breuvage d'exception, un petit point d'histoire est essentiel. La culture de la vigne en Champagne remonte à l'époque gallo-romaine. En effet, ce furent les Romains à planter les premiers cèpes dans la région. Le vignoble est ensuite conservé grâce à l'intérêt que le clergé lui porte, et en particulier celui de Reims et de Châlons-en-Champagne. Par la suite, à l'époque féodale, les vins de Champagne sont classés parmi les vins de France comme produits dans le bassin parisien. C'est sous le règne d'Henri IV au XVIIe siècle qu'il acquiert l'appellation de vin de Champagne sur Paris. Au cours de ce XVIIe siècle, les vins de Champagne séduisent de plus en plus d'amateurs dans les cours royales de France, mais aussi d'Angleterre. L'évolution de ces vins est marquée par ce siècle, correspondant au désir des vins faiblement colorés, mais ceux-ci vieillissent très mal en fût. Vers 1660, le champagne est donc rapidement mis en bouteille afin d'assurer une meilleure conservation des arômes et devient de ce fait naturellement pétillant au cours de sa fermentation. Ce caractère effervescent cause beaucoup de soucis aux vignerons, à un point tel qu'on le surnomme « vin du diable » ou « saute-bouchon » à cause des bouteilles qui explosent ou des bouchons qui sautent sous la pression. Si par ces raisons les Anglais n'avaient pas été conquis par ce vin, le champagne ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Car dès cette époque, les Anglais achètent aux Champenois des tonneaux en vrac qu'ils mettent eux-mêmes en bouteille. Ils avaient également observé que la meilleure époque pour provoquer la prise de mousse était le printemps. En 1670, Dom Pérignon, moine bénédictin, cellerier de l'abbaye d'Auvillers, sera le premier à pratiquer l'assemblage du raisin afin d'améliorer la qualité de ce vin. C'est aussi lui qui introduira l'emploi du bouchon de liège, maintenu à la bouteille par une ficelle de chanvre imprégnée d'huile, ce qui permet au vin de garder sa fraîcheur et sa mousse. Il fera renforcer les bouteilles en adoptant un verre plus épais pour éviter l'explosion de celle-ci. Malgré tous ces efforts, l'effervescence du vin reste empirique jusqu'aux recherches de Pasteur sur la fermentation au XIXe siècle. D'après des archives, il est établi qu'en 1729, à Épernay, Nicolas Irénée Ruinard fonde à Reims le premier négoce en vin de champagne effervescent, la maison Ruinard. Puis, en 1730, sera fondée la maison Chanoine Frères à Épernay. Ce ne sera qu'au XVIIIe siècle que le champagne acquiert une renommée internationale grâce aux propriétaires de célèbres maisons qui, en assurant la promotion, tels que Florence Louis Heitzig, Claude Moët, puis au XIXe siècle, la famille Bollinger. De même, certaines femmes, après la mort de leur mari, continuant le travail de ceux-ci, parmi elles, Madame Pommery, Madame Perrier ou Madame Clicquot, surnommée la Grande Dame de Champagne, qui contribuèrent, elles aussi, à la notoriété du champagne. Je ne peux vous parler de ce breuvage sans vous parler de quelques données géographiques. Les zones proprement dites, productrices de champagne, sont la montagne de Reims, exposée majoritairement au sud. Ce sont des sols crayeux et le cépage dominant est le pinot noir. Ces vins sont réputés pour leur puissance. La deuxième zone, qui comporte la Marne, l'Aisne et la Seine-et-Marne, est-elle composée de sols à dominante argilo-calcaire. Le cépage dominant y est le Pinot Meunier. Ces vins possèdent un bouquet fruité et une grande souplesse. La troisième zone est la côte des Blancs, où règne un seul cépage en maître, le Chardonnay. La craie est partout présente, véritable réservoir d'eau et de chaleur des sous-sols. La côte des Blancs donne naissance à des champagnes aux arômes légers et délicats. La dernière parcelle est celle des vignobles de l'Aube et Haute-Marne, au sous-sol à tendance marneuse, où est implanté le pinot noir qui donne des vins de caractère. Sachez que les grandes caves de Champagne se trouvent à Épernay et à Reims. Pour les curieux que vous êtes, quelques données techniques sont nécessaires afin que vous compreniez pourquoi cette boisson à bulles est aussi prisée. Avant tout, l'étape de la cueillette est manuelle. Les machines à vendange sont interdites. Les baies sont ainsi en parfait état jusqu'au lieu de pressurage. Le champagne est un vin blanc issu en majeure partie d'un raisin noir, le pinot. Le pressurage, lui, est effectué sur des pressoirs pneumatiques. Il est maintenu sous pression dans sa bouteille par un bouchon de liège en forme de champignon et non pas cylindrique. Il est maintenu par une capsule et un muselet de fil de fer. Le champagne rosé est élaboré en assemblant du vin rouge de champagne avec du blanc. Il peut également être obtenu en laissant la peau des raisins noirs colorer le jus après pressurage. Vous écoutez Ondivago avec Anna Raffaella Farao. Ondivago.com. Viviamo, viviamo degli eti comici che la bellezza infiora e la Parlons de la vinification. Le vin de Champagne est produit selon la méthode autrefois appelée méthode champenoise. Celle-ci consiste à opérer une double fermentation du mou. La première s'effectue en cuve, elle est appelée fermentation alcoolique et est identique à celle que subissent les vins non effervescents. Elle peut être suivie par une fermentation malolactique. Les maisons Sénèze à Fontette et Lançon à Reims sont réputées pour cette pratique afin de garder au vin sa vivacité. Certains travaillent la vinification en fût de chêne, tels que les maisons Krug et Bollinger. La deuxième fermentation s'effectue dans les bouteilles elles-mêmes avec remuage régulier. Voici une étape importante qui fait du champagne son exception. Au moment d'embouteiller le vin de base, on lui ajoute la liqueur de tirage composée de levure et de sucre. C'est ce qui enclenche la deuxième fermentation, dite prise de mousse, qui donnera naissance aux bulles de dioxyde de carbone. Cette deuxième fermentation donne naissance à des lies dont il faut débarrasser le vin et pour ce faire, on installe les bouteilles sur des étagères appelées pupitres où elles sont penchées, le goulot vers le bas. Chaque jour, elles sont remuées d'un quart de tour, d'un mouvement sec afin de décoller les lies de la paroi de la bouteille et les faire descendre vers le goulot afin de chasser ceux des pots. On gèle le col dans un bain de solution réfrigérante, bain de saumure à moins 18 degrés. Une fois la capsule ôtée, le dépôt en question est alors expulsé par le gaz sous pression. Le volume du vin ainsi perdu est remplacé par un mélange de vieux vin et de sucre appelé liqueur d'expédition. Mais on trouve également des champagnes très nature, c'est-à-dire que l'on complète avec du vin et non pas la liqueur d'expédition. On les trouve chez Drapier, Piper Heitzig, Laurent Perrier ou Georges Wessel. en résumé, afin de vous y retrouver, sachez qu'un millésimé est élaboré avec des cépages d'une même année unique, que les cuvées de prestige sont d'une grande qualité, que les blancs de blanc sont issus d'un seul cépage blanc, le chardonnay, et les blancs de noir à partir de raisins noirs, pinot noir ou meunier. C'est à vous de faire votre choix en fonction de votre palais. Et à ce propos, pour bien choisir votre champagne en fonction de votre goût, une chose est essentielle à connaître, la teneur en sucre. Vous trouverez des bruts nature ou non dosés qui contiennent moins de 3 g de sucre par litre. L'extra brut, lui, en contient 6 g par litre. Le brut, une quinzaine de grammes. L'extra dry, entre 12 et 20 g de sucre par litre. Le sec, entre 17 et 35 g. Le demi-sec, entre 33 et 50. Et enfin, le champagne doux, avec plus de 50 g par litre. Selon les contenances, vous aurez des bouteilles de petite ou très grande quantité, dont les noms bibliques sont évocateurs. Vous aurez entendu parler d'un magnum de 1,5 litre qui équivaut à 2 bouteilles et où le vin se conserve le mieux car il vieillit plus lentement. Ensuite, vous trouverez dans le commerce le Jéroboam de 3 litres qui correspond à 4 bouteilles. Le Réoboam de 4,5 litres renferme 6 bouteilles. Le Mathusalem de 6 litres en contient, lui, 8. Le Salmanazar de 9 litres est constitué de 12 bouteilles. Le Balthazar de 12 litres est l'équivalent de 16 bouteilles. Le Nabucodonosor de 15 litres correspond à 20 bouteilles. Le Salomon de 18 litres en contient 24. Le Souverain de 26,25 litres renferme quant à lui 35 bouteilles. Le Prima de 27 litres équivaut à 36 bouteilles. Et enfin, le Melchizedek de 30 litres, soit 40 bouteilles. Ce dernier pèse 54 kilos et doit son nom à un ancien roi de Salem. Il est empli de brutes cartes d'or. De quoi festoyer en fin d'année. Sachez qu'un champagne est considéré comme jeune entre 12 mois et 3 ans. Il a alors un arôme frais, au parfum de fruits et d'agrumes. Il est dit mature s'il a atteint entre 3 et 5 ans. Ses arômes sont forts, hein, aux fruits jaunes et plus épicés. Au-delà de 5 ans, le parfum s'exprime au travers d'arômes de fruits très mûrs ou confits, de torréfaction ou de miel. Je vous dois quelques conseils pour servir dignement ce breuvage exceptionnel. Les brutes blancs de blanc et non millésimés se boivent en apéritif pour accompagner le poisson et fruits de mer. Les brutes millésimés et rosés peuvent être servis avec la viande et fromage. Les secs et demi-secs sont parfaits en accompagnement de desserts. Le champagne doit être servi frais entre 6 et 8 degrés en plaçant la bouteille entre 20 à 30 minutes dans un seau à champagne rempli à moitié d'eau et de glace. Les champagnes de plus de 15 ans d'âge peuvent être servis entre 14 et 15 degrés, soit la température d'une bonne cave. On utilise de préférence une flûte, car en effet, les coupes sont accusées de laisser les bulles s'échapper plus facilement et de faire perdre ainsi les arômes. Bon nombre d'entre vous se posent la question sur le fait de sabler ou sabrer le champagne. Pour cela, il faut faire un bond en arrière à l'époque de Louis XIV, le roi soleil, où l'on sablait le champagne de sucre afin de multiplier et provoquer les bulles et les faire pétiller. Sabrer le champagne doit se comprendre comme l'opération qui consiste à faire glisser le plat d'une lame d'un sabre sur le goulot afin de décapiter la bouteille. Cette manœuvre est très dangereuse, aussi je vous la déconseille fortement, surtout aux néophytes, car la tête, le bouchon et le muselet sont violemment éjectés, et de plus, il faut avoir une maestria dans l'utilisation du sabre. Je terminerai cette séquence par une citation de Madame Bollinger en 1961 qui répondit à un journaliste du London Daily Mail qui l'interrogeait sur sa consommation de champagne. « Je bois lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste, parfois quand je suis seule. Je le considère obligatoire lorsque j'ai de la compagnie. Je joue avec quand je n'ai pas d'appétit. » Et j'en bois lorsque j'ai faim. Sinon, je n'y touche jamais, à moins que je n'ai soif. Avant de vous laisser à vos rêveries, il est temps de vous délivrer la solution du rébus. Mon premier était la discipline des nombres et figures géométriques en abrégé. Vous aurez compris qu'il s'agissait des mathématiques, donc en abrégé, maths. Mon second signifie détérioré par l'usage à la troisième personne du singulier présent de l'indicatif. Il fallait deviner use. Mon troisième est le brunissement de la peau par l'air ou le soleil. Bien sûr, c'est le al. Mon quatrième est la 13e lettre de l'alphabet. Donc, vous aurez compris que c'est la lettre M. Et Montou est un patriarche biblique. Il fallait donc deviner Mathusalem. Mathusalem qui est le fils d'Enoch et le grand-père de Noé. Il passe pour avoir vécu 969 ans. De quoi faire rêver, n'est-ce pas? Je vous dis chin chin et à la prochaine sur les ondes d'Ondivago. Abbiamo ascoltato la puntata francese di Ondivago, dedicata allo champagne. Al microfono Anna Raffaella Farao, che è curatrice della nostra rubrica nella lingua di Voltaire, e anche di Asterix, oseremmo dire. Ondivago è un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com